toi de dire, je te serai fidèle. Tu m'as donné tes ailes, et à quel prix? Je ne veux pas perdre tout ce qu'il y a entre nous. Passer du meilleur au meilleur, et quel que soit le prix, moi je t'aime pour la vie. Certains se désunissent pour peu qu'ils réussissent. Tu vois, on oublie que l'heure n'est plus au jeu pour qu'on s'y brise. Je veux contre nous le feu. C'est pourquoi je te dis laisse, laisse passer les heures, à passer du meilleur au meilleur, et quel que soit le prix, moi je t'aime pour la vie. Oh, Alex à la guitare. Merci beaucoup.